Eh bien, notre cher Patrick Dion, lui aussi, sera en pause estivale cet été pour sa revue du web. Semi-pause. Semi-pause. Oui. Il sera de retour en pause, cet automne. Oui, tout à fait en pause de CIBL. En pause de CIBL. Voilà. Et pour ta revue du web, on débute ce matin avec... on parle de bouffe. Ouais, tout à fait. Allons-y. On a tellement longtemps chialé pour avoir les camions de bouffe de rue à Montréal. Eh bien, maintenant, on les a en version bêta, si on peut dire. Et ça prend bien quelqu'un du web pour parler ouais, de version ben, bêta. Ouais, ben oui. Au lieu de projet pilote. On est corrompu pour toujours. Alors voilà, mais c'est bien le fun de savoir que maintenant on a accès aux camions de bouffe de rue à Montréal, mais la question est, où sont-ils? Où sont-ils? Et il y a quelqu'un qui a eu une idée pour tous les amateurs de tortillas à 8 piastres. Et au lieu de savoir qu'ils sont comme par exemple à Oceaga ou au quartier des spectacles comme il était l'année passée, maintenant ils ont mis sur pied une carte et une application mobile qui permet de savoir en temps réel où se trouvent ces fameux camions de bouffe de rue là à Montréal. Ça s'appelle Street Food Montréal. Et comme je disais, c'est une carte Google avec sur ce qui spécifie les emplacements des camions, mais aussi des comptoirs de bouffe, parce que qui parle de street food parle pas nécessairement de bouffe qui se promène, sauf s'ils ont peut-être une couple de semaines d'âge, là. Mais sinon, c'est possible, justement, comme par exemple le café La Distributrice au coin de Montréal puis Saint-Denis, où tu peux prendre un café et marcher sur la rue. Alors, on répertorie ça aussi sur la carte. Maintenant, le site, ça a l'air de quoi? C'est hyper simple, c'est sobre, c'est efficace. Puis c'est important de manger quand on a l'estomac dans le talon. Alors, pulled pork, taco, pas le temps de niaiser. Voilà. Donc, Street Food Montréal. Street Food Montréal. Il y a déjà certains camions qui ont un compte Twitter qui sont faciles à suivre. Oui, absolument. On peut les suivre sur Twitter aussi. Mais cette carte-là regroupe vraiment tout le monde. La seule chose que j'ai à spécifier, c'est que malheureusement, l'application n'est disponible qu'en anglais. Oh, frappez-les quelqu'un. Déception. Franchement, déception. Oui, absolument. Mais il n'y a pas tous les camions qui sont répertoriés pour l'instant. Oui, parce qu'il peut y en avoir jusqu'à 35, là. 35 quoi? Camions cet été. Ah, d'accord, je savais pas. Il y a un maximum de 35, mais dépendant des... Là, on a déjà dépassé le nombre de 35 en termes de soumissions, mais bon, la ville doit faire un choix et ça se pourrait très bien qu'on se rende jamais à 35 si les soumissions ne correspondent pas aux normes de la ville de Montréal. Ah, d'accord. Bien, je vais juste ajouter que, justement, étant donné qu'on dénombre aussi des comptoirs, maintenant, le site répertorie plus que 35 commerces différents. Et si vous êtes propriétaire d'un commerce et vous voulez vous ajouter sur la carte, c'est possible de faire via une application dédiée, vraiment. C'est très joli, c'est fun. Ça bouge beaucoup présentement dans le monde de la techno à travers le Québec. Et monsieur, on avait parlé à l'automne dernier de Branchez-vous qui avait été, Rogers avait mis la hache dans la porte, si porte il y avait. Et la compagnie de Québec, Happy Geeks, avait racheté, Happy Geeks sont derrière le site sinoche.com, avait racheté le nom, entre autres le nom Branchez-vous.com. Et ils ont annoncé vendredi dernier la nomination de leur nouveau rédacteur en chef à la personne de Laurent Lassalle. Laurent est connu dans le milieu pour avoir été blogueur sur le blog Triplex de Radio-Canada. Il a été aussi chroniqueur jeu à Monsieur Net sur Musique Plus. Et aussi, c'est un de mes ex-collègues à l'émission Cliqué, ex-collègue recherchiste à l'émission Cliqué. Maintenant, étant donné que Laurent s'en va pour Branchez-vous, malheureusement, sa place doit être remplie par quelqu'un d'autre sur le site de Radio-Canada, sur le blog de Triplex. Et c'est Patrick Dion qui... Mais non! Non, non, meilleur que moi-même. Honnêtement, sans farce, vraiment, c'est une belle, belle prise pour Radio-Canada. C'est le blogueur techno Maxime Johnson qui est blogueur et chroniqueur journaliste pour le journal Métro, entre autres, qui va obtenir le poste à Triplex. Alors, c'est vraiment des beaux souliers qui vont être chaussés parce que un truc qui manquait à mon avis sur le site de Radio-Canada, c'était un chroniqueur spécialisé beaucoup plus en gadget, en électronique. Maxime, vraiment, je dirais en ce moment, c'est probablement le meilleur chroniqueur gadget au Québec. Alors, vraiment une belle prise pour Triplex. Mais là, le défi pour Branchez-vous, c'est de le rentabiliser parce que si ça avait été si rentable, Rogers aurait sûrement pas mis la hache dans le site. Là. Ben voilà, on se demande de quelle façon on est submergé par les nouvelles américaines. Puis on souhaite que Branchez-vous prendra pas la courbe et relayer seulement des nouvelles américaines. Alors, on souhaite qu'ils vont donner la parole à des journalistes d'ici. Moi, je pense que c'est vraiment la seule façon qu'ils vont réussir à se démarquer dans ce vaste domaine. Mais on le sentait aussi, ça nous manquait quand même avoir un site spécialisé en nouvelles technologies ici au Québec. Alors, on se croise les doigts, puis on souhaite bonne chance à nos deux collègues. Et parlant de transition, il y a les Chicken Swell qui disparaissent de la télé, mais qui apparaissent de l'autre côté sur le web. Ouais, ben on dit disparaître. On sait qu'en télé, on disparaît jamais vraiment, sauf quand t'es rendu vraiment vieux, puis même encore. Mais voilà, les Chicken Swell se sont tournés vers la télé, vers le web pour une toute nouvelle web-série policière qui va voir le jour en octobre prochain. Ça s'appelle Disparu et c'est produit, entre autres, par Toxa et Radio-Canada. La série est conçue et écrite par les Chicken Swell et elle va être réalisée par Robin Aubert. Là, on parle d'une web-série en chemise à carreaux. J'ai bien hâte de voir ça. Mais je ne sais pas si vous étiez au courant, mais Robin Aubert a déjà fait partie des Chicken Swell. Ah oui? Hein? Vous ne saviez pas, hein? Hein? Je vois l'éberlement sur vos visages. Et, et la série va mettre de gros noms en vedette. Bien, on parle d'Alexis Martin et Luc Guérin, entre autres. On parle aussi de Luc Sonné, mais ils ne disent pas s'il va faire une split dans la web-série. Une split qui a marqué le Québec à la voilà. Garde des clans, souvenons-nous. Exactement. Ben, je l'ai regardé à Luc Sonné dernièrement, il me semble, puis il a peut-être pris un peu de poids à faire des splits, mais bon, je m'écoute vraiment. Ça risque de faire des pantalons. Ben, peut-être. On parle d'interactivité, encore une fois, je ne sais pas si, ça fait une couple de fois que je me répète, je ne sais pas si l'interactivité est encore le chemin à emprunter. On verra bien, mais il semble-t-il qu'à la façon d'un jeu vidéo, l'internaute va être appelé à collaborer avec l'enquêteur principal qui va être joué par Alexis Martin pour rassembler des indices et prendre des décisions pour retrouver nos trois Chicken Swell qui vont être disparus. Alors, pour l'instant, on n'a pas accès à la web-série parce qu'elle va être disponible en ondes seulement à l'automne. Mais par contre, les coulisses de la web-série donnent une bonne idée de ça et sont disponibles sur le site La Gazette de Victo-Nord, parce qu'on sait que nos Chicken Swell viennent de Victoriaville. Et ce micro-site est disponible sur radiocanada.ca. Alors, on a accès à un journal de bord, des photos, des vidéos et plusieurs primeurs. Donc, c'est un rendez-vous à l'automne, tout comme pour moi. Oui, je te souhaite un très bon été, mon Patrick Dion. Merci à vous autres, c'est vraiment le fun. Ben vraiment. Puis vous êtes en bonne main avec notre ami Joseph Elfessi qui va prendre ma place. Oui, voilà, qui est un ancien des Oranges Pressées qui sera de retour donc pour combler tes grands souliers. Ah, ils sont même pas si grands que ça. Oh, c'est au moins des 12. Puis des petits pieds. Bon été, Patrick. Merci, vous autres aussi.